Alors Dalton, l'exhaleur. Le vent souffle sur le temps et l'automne balaye l'été. Chaque jour le vent, je partis le bonhomme que je n'ai été. Dans la cour des grands résonne la nouvelle année scolaire. On s'étudie nous-mêmes, on ne connaît jamais assez ce qu'on est. Un salut à leurs âmes, à tous ces défunts qui meurent. Et je serai si seul pour fêter la Toussaint ce 21 du 9. Personne ne trompe la tumeur, tu payeras le prix du leurre. L'histoire confuse de celui qui l'a conçu et qui tue l'œuf. L'amour en t'aveugle, mais toute la meute se porte l'œil. Je réanime les feuilles mortes, je n'écris pas ce que les autres veulent. Le peuple souffre trop, le désespoir et l'agonie qui se maquille tous les matins comme les soirs d'Halloween. Les degrés chutent et tout prend l'allure de la brume. De fil en aiguille, je prête ma plume ou plus dévêtue. Voué au naturel et je vous laisse le vécu de la rue. Je voudrais pas saturer donc mes couplets écoutent les adultes. Et je me sens riche sans être fortuné, comme de renaître dans une chambre mortuaire. Le mois de septembre ne m'inspire que des décors funèbres, les infarctus, les enterrements et la blessure fulette. Toi tu rêves d'autre chose et je n'en fais pas moins. Le 13 octobre me rappelle que je n'ai rien d'un parrain. Bientôt la fin de l'année, le froid qui froisse la neige. Au rythme des saisons, je gère ma vie à Liège. Yeah. Métissa. Je verrai des tonnes d'oiseaux migrer avant de prétendre être honorable. Je nage dans mes pensées automnales, j'essaye d'être fort face au système. Le quart de siècle dans les dents, je vis et je m'en sors pas mal. Je taffe le reste du temps, je fréquente le beat et je m'endors la voix. Au gré des feuilles qui tombent, je pense à tous ces gens partis trop tôt. Paumé, j'ai peur, puis je fonce sans voir où je vais dans ma vie morose. Éternel insatisfait, mec, j'ai des rêves là, ma petite tête. Mais croire en moi, c'est pas pensable et je préfère être un gars discret. Je laisse les crétins croire qu'ils pèsent dans leur jeunesse ou dans le rap, ils manquent de cœur. Mais pourtant, ça, j'étais bégayé plein de balivernes. J'ai d'autres chats à fouetter. Moi, cette saison me rappelle la purge, la dépression noire et la bulle, les choses que je dois pas souhaiter. Ma folie m'effraie grave, gros, la police, c'est chez mes assos. Pas de soutien, c'est la Toussaint. Halloween derrière les barreaux, saloperie de mes faits, j'étais ado. Et je voyais que l'argent facile, je festoyais salement la nuit. Je m'appauvris, c'est pété à mort. Avec le temps, j'ai capté que chaque échec me tirait vers le haut. Là j'essaie de renier ce game comme la haine que je pensais larguer. Je dévalais la bande, j'étais pas préparé à changer. T'exagères avec l'argent et l'état. Tes cartes c'est navrant mais c'est qu'à attiser le feu. Tu risques surtout de prendre ta gifle. Moi plus je cours dans la vie plus je dis que je dois m'appliquer. Vieux, la fin de l'année sera même. Je traîne seul près des charmes de la nature. Je m'abstiens de rapper de la merde et je gère les bails en amur. Yeah. Youssef. À l'heure d'automne, on vit juste nos vies, c'est pas une légende. Loin des contes de fées, Morphée, il perd ses bras et ses jambes. Des rimes qui tombent comme des feuilles mortes sur le métronome. Du soleil, on est à des milliers de kilomètres au nord. L'espoir à tout prix dans nos poches, imaginez notre blas sur les gros titres. Quand les gens me voient rapper tout seul dans le bus comme un autiste. Rien à perdre, c'est ce que je m'étais dit à la base. Mais les choses ont bien changé, je range mes souvenirs à leur place. Et j'oublierai pas les heures qu'on a passé à rêver. Refaire le monde dans une Clio, le poste à fond, la fenêtre baissée. Alors j'emmerde les gens qui nous serrent la main par intérêt. On disait l'avenir est à nous, ils nous répondaient dans tes rêves. Et cinq saisons plus tard, nous voir ici, ça les embête. Mon rêve un battement d'aile, aujourd'hui voilà la tempête. Le papillon a pris des couleurs, il voulait nous couper les ailes. On est insensible à la douleur. Les gens avancent ou reculent, on ne sait pas trop. On a liberté absolue, enfin sauf celle de leur patron. On m'a dit n'ouvre pas la porte, le vent nous rend visite à coup sûr. On fera couler l'encre, ma plume s'inspire des éclaboussures. Le temps passe, on m'a dit la roue tournera. À l'époque où je comptais déjà mes mesures en cours de maths. Un automne de plus à tourner, il était pas incroyable. J'ai vécu des choses, j'irai en chercher d'autres en voyage. Parlez bien de l'automne. Scylla. L'automne sera bientôt de retour et donc l'inspire aussi. J'ai hâte que ma plume renaisse. Elle ressuscite chaque mois d'octobre. Lorsque la date approche, chaque année qui passe m'offre une nouvelle cure de jeunesse. Mais malgré moi, je reste encore homme. Je cherche en vain à me connecter à l'ancien bambin. J'étais, je le sens plein de piété. Peut-être en train de mes pieds, faut pas tant t'inquiéter. Je suis peut-être en train de rêver. Je dois être le seul clampin qui aime fêter la fin de l'été. Vas-y à la tienne, bois ça. Puis rechante-moi cette air triste. Lâche-toi, vite avant que ça se termine. Regarde bien les les arbres autour de toi. Tu vois la couleur de leurs feuilles, elles s'imbibent déjà du sang de mes ennemis. Ah, mais parlez bien de la saison des poètes, l'âme de la bohème, la promesse. Je crois même qu'elle me protège. Quel problème, accro d'elle, j'ai pas, je l'ai dans la peau, mec. Elle change en poésie, tout même les plus noirs de mes colères. Bienvenue au cœur de la saison des morts, qui dessine chez moi le feu, où les sortes d'esprits moyenâgeux. C'est pour ceux et celles qui, tout comme moi, depuis leur tendre enfance, ont toujours été passionnés par ce bout du ciel nuageux. Quand se fanent les corps là, c'est la mort du moiseux. Je me regarde mourir à genoux sous le ciel nuageux. L'air d'automne laisse comme un arrière-coup de phénix. Comme d'habitude, j'attends la fin du monde posté sur la plus haute tour de BX. Le décor des buts que j'atteignais sont nuls. Dans ces décors où plus mes châtaigniers sont nuls. Alors à quoi bon se mettre à l'abri, se mettre à l'abri? Mais c'est le malheur d'autres hommes, alors d'automne, que soumettre à la brique. Les pleux décors des buts que j'atteignais sont nuls. Dans ces décors où plus mes châtaigniers sont nuls. Sous ces branches qu'on prend des séries des saisons, c'est que c'est à l'heure d'automne qu'on décède les saisons. Les pleux décors des buts que j'atteignais sont nuls. Dans ces décors où plus mes châtaigniers sont nus. Alors à quoi bon se mettre à l'abri, se mettre à l'abri? Mais c'est le malheur d'autres hommes, alors d'automne, que soumettre à la brique. Les pleux décors des buts que j'atteignais sont nuls. Dans ces décors où plus mes châtaigniers sont nus. Sous ces branches qu'on plante des séries des saisons, c'est que c'est à l'heure d'automne qu'on décède les saisons. Les pleux décors,